23, 13, 18, 61 et 48. B. 31, 8, 47, 19 et 56. C. 24, 2, 14, 28 et 37. D. 32, 17, 45, 58 et 16.